ressemble. C'est si difficile parfois de vivre ensemble. Beaucoup de gens n'ont pas encore trouvé la sœur. Moi j'ai trouvé la moitié qui fait battre mon cœur. Quelquefois